À propos de Médée, examen 1660-1682. Cette tragédie a été traitée en grec par Euripide et en latin par Sénèque, et c'est sur leur exemple que je me suis autorisé à en mettre le lieu dans une place publique. Quelque peu de vraisemblance qu'il y ait à y faire parler des rois et à y voir Médée prendre les desseins de sa vengeance. Elle en fait confidence, chez Euripide, à tout le chœur composé de Corinthiennes, sujettes de Créon, et qui devait être du moins au nombre de 15, à qui elle dit hautement qu'elle fera périr leur roi, leur princesse et son mari, sans qu'aucune d'elles ait la moindre pensée d'en donner avis à ce prince. Pour Sénèque, il y a quelque apparence qu'il ne lui fait pas prendre ses résolutions violentes en présence du cœur, qui n'est pas toujours sur le théâtre et n'y parle jamais aux autres acteurs. Mais je ne puis comprendre comme dans son quatrième acte, il lui fait achever ses enchantements en place publique. Et j'ai mieux aimé rompre l'unité exacte du lieu pour faire voir Médée dans le même cabinet où elle fait ses charmes que de l'imiter en ce point. Ces deux auteurs m'ont semblé donner trop peu de défiance à Créon des présents de cette magicienne offensée au dernier point. J'ai cru mettre la chose dans un peu plus de justesse par quelques précautions que j'y ai apportées. La première, en ce que Créuse souhaite avec passion cette robe que Médée empoisonne et qu'elle oblige Jason à la tirer d'elle par adresse. Ainsi, bien que les présents des ennemis doivent être suspects, celui-ci ne le doit pas être parce que ce n'est pas tant un don qu'elle fait qu'un paiement qu'on lui arrache de la grâce que ses enfants reçoivent. La seconde, en ce que ce n'est pas Médée qui demande ce jour de délai qu'elle emploie à sa vengeance, mais Créon qui le lui donne de son mouvement, comme pour diminuer quelque chose de l'injuste violence qu'il lui fait, dont il semble avoir honte en lui-même. Et la troisième, enfin, en ce qu'après les défiances que Pollux lui en fait prendre presque par force, il fait faire l'épreuve de la robe de Médée sur une autre, avant que de permettre à sa fille de s'emparer. L'épisode d'Égée n'est pas tout à fait de mon invention. Euripide l'introduit en son troisième acte, mais seulement comme un passant à qui Médée fait ses plaintes et qui l'assurera d'une retraite chez lui à Athènes en considération d'un service qu'elle promet de lui rendre. Pour donner un peu plus d'intérêt à ce monarque dans l'action de cette tragédie, je le fais amoureux de Créuse, qui lui préfère Jason, et je porte ses ressentiments à l'enlever, afin qu'en cette entreprise, demeurant prisonnier de ceux qui la sauvent de ses mains, il ait obligation à Médée de sa délivrance, et que la reconnaissance qu'il lui en doit l'engage plus fortement à sa protection et même à l'épouser, comme l'histoire le marque. Pollux, qui fut un des Argonautes avec Jason et Médée, est de ces personnages protatiques qui ne sont introduits que pour écouter la narration du sujet. Je pense l'avoir déjà dit, et j'ajoute que ces personnages sont d'ordinaire assez difficiles à imaginer dans la tragédie, parce que les événements publics et éclatants dont elle est composée sont connus de tout le monde, et que s'il est aisé de trouver des gens qui les sachent pour les raconter, il n'est pas aisé d'en trouver qui les ignorent pour les entendre. C'est ce qui m'a fait avoir recours à cette fiction que Pollux, depuis son retour de Colchos, avait toujours été en Asie, où il n'avait rien appris de ce qui s'était passé dans la Grèce, que la mer en sépare. Dans la narration que fait Nérine au quatrième acte, on peut considérer que quand ceux qui écoutent ont quelque chose d'important dans l'esprit, ils n'ont pas assez de patience pour écouter le détail de ce qu'on leur vient raconter, et que c'est assez pour eux d'en apprendre l'événement en un mot. C'est ce que fait voir ici Médée, qui, ayant su que Jason a arraché Créuse à ses ravisseurs et pris Égée prisonnier, ne veut point qu'on lui explique comment cela s'est fait. Surtout, dans les narrations ornées et pathétiques, il faut très soigneusement prendre garde en quelle assiette est l'âme de celui qui parle et de celui qui écoute, et se passer de cet ornement qui ne va guère sans quelque étalage ambitieux, s'il y a la moindre apparence que l'un des deux soit trop en péril ou dans une passion trop violente pour avoir toute la patience nécessaire au récit qu'on se propose. Dans les narrations ornées et pathétiques, il faut très soigneusement prendre garde En quelle assiette est l'âme de celui qui parle et de celui qui écoute? Et se passer de cet ornement qui ne va guère sans quelque étalage ambitieux, s'il y a la moindre apparence que l'un des deux soit trop en péril ou dans une passion trop violente pour avoir toute la patience nécessaire au récit qu'on se propose. J'oubliais à remarquer que la prison, où je m'ai égé, est un spectacle désagréable que je conseillerais d'éviter. Ces grilles qui éloignent l'acteur du spectateur et lui cachent toujours plus de la moitié de sa personne ne manquent jamais à rendre son action fort languissante. Il arrive quelquefois des occasions indispensables de faire arrêter prisonniers sur nos théâtres quelques-uns de nos principaux acteurs, mais alors il vaut mieux se contenter de leur donner des gardes qui les suivent et n'affaiblissent ni le spectacle ni l'action, comme dans Polyeucte et dans Héraclius. J'ai voulu rendre visible ici l'obligation qu'Égée avait à m'aider, mais cela se fut mieux fait par un récit. Je serais bien aise encore qu'on remarque la civilité de Jason envers Pollux à son départ. Il l'accompagne jusque hors de la ville, et c'est une adresse de théâtre assez heureusement pratiquée pour l'éloigner de Créon et Créuse mourant, et n'en avoir que deux à la fois à faire parler. Un auteur est bien embarrassé quand il en a trois, et qu'ils ont tous trois une assez forte passion dans l'âme pour leur donner une juste impatience de la pousser au dehors. C'est ce qui m'a obligé à faire mourir ce roi malheureux avant l'arrivée de Jason, afin qu'il n'eût à parler qu'à Créuse, et à faire mourir cette princesse avant que Médée se montre sur le balcon, afin que cet amant en colère n'ait plus à qui s'adresser qu'à elle. Mais on aurait eu lieu de trouver à dire qu'il ne fut pas auprès de sa maîtresse dans un si grand malheur si je n'eusse rendu raison de son éloignement. J'ai faim que les feux que produit la robe de Médée et qui font périr Créon et Créuse étaient invisibles, parce que j'ai mis leur personne sur la scène dans la catastrophe. Ce spectacle de mourant m'était nécessaire pour remplir mon cinquième acte, qui sans cela n'eût pu atteindre à la longueur ordinaire des nôtres. Mais à dire le vrai, il n'a pas l'effet que demande la tragédie. Et ces deux mourants importunent plus par leurs cris et par leurs gémissements qu'ils ne font pitié par leur malheur. La raison en est qu'ils semblent l'avoir mérité par l'injustice qu'ils ont faite à Médée, qui attire si bien de son côté toute la faveur de l'auditoire qu'on excuse sa vengeance après l'indigne traitement qu'elle a reçu de Créon et de son mari, et qu'on a plus de compassion du désespoir où ils l'ont réduite que de tout ce qu'elle leur fait souffrir. Quant au style, il est fort inégal en ce poème, et ce que j'y ai mêlé du mien approche si peu de ce que j'ai traduit de Sénèque qu'il n'est point besoin d'en mettre le texte en marge pour faire discerner au lecteur ce qui est de lui ou de moi. Le temps m'a donné le moyen d'amasser assez de force pour ne laisser pas cette différence si visible dans le Pompée, où j'ai beaucoup pris de Lucain et ne crois pas être demeuré fort au-dessous de lui quand il a fallu me passer de son secours. Pierre Corneille. Médée de Pierre Corneille. Monsieur. Je vous donne, Médée, toute méchante qu'elle est, et ne vous dirai rien pour sa justification. Je vous la donne pour telle que vous la voudrez prendre. s'entacher à prévenir. Ou violenter vos sentiments par un étalage des préceptes de l'art. Je sens à la fois de surprise et de joie. Se peut-il qu'en ces lieux, enfin je vous revoie, que Pollux dans Corinthe ait rencontré Jason? Vous n'y pouviez venir en meilleure saison, et pour vous rendre encore l'âme plus étonnée, préparez-vous à voir d'un peu mon Hyménée. Quoi? Médée est donc morte à ce compte? Elle vit, mais un objet plus beau la chasse de mon lit. Dieu! Et que fera-t-elle? Et que fit Ipsipile, que formait dans son cœur un regret inutile? Jeter des cris en l'air, me nommer inconstant. Si bon semble à m'aider, elle peut en faire autant. Je la quitte à regret, mais je n'ai point d'excuse contre un pouvoir plus fort qui me donne à Créuse. Créuse est donc l'objet qui vous vient d'enflammer. Je l'aurais deviné sans l'entendre nommer. Jason ne fit jamais de commune maîtresse. Il est né seulement pour charmer les princesses et haïrait l'amour s'il avait sous sa loi rangé de moindre cœur que des filles de roi. Ipsipile à Lemnos, sur le phase Médée, et Créuse à Corinthe, autant vaut posséder, font bien voir qu'en tout lieu, sans le secours de Mars, les sceptres sont acquis à ses moindres regards. Aussi, je ne suis pas de ces amants vulgaires, j'accommode ma flamme au bien de mes affaires. Et sous quelque climat que le sort me jeta, je serais amoureux par maxime d'État. Nous voulant à Lemnos rafraîchir dans la ville, qu'eussions-nous fait, Pollux, sans l'amour d'Ipsipile? Et depuis à Colchos, que fit votre Jason, que cajolait Médée et gagnait la toison? Alors, sans mon amour, qu'eût fait votre vaillance? Eût-elle du dragon trompé la vigilance? Ce peuple que la terre enfantait tout armé, qui de vous l'eût défait si Jason n'eût aimé? Maintenant qu'un exil m'interdit ma patrie, Créuse est le sujet de mon idolâtrie. Et j'ai trouvé l'adresse, en lui faisant la cour, de relever mon sort sur les ailes d'amour. Que parlez-vous d'exil? La haine de Pélie... me fait tout mort qu'il est fuir de sa Thessalie. Il est mort? Écoutez et vous saurez comment son trépas seul m'oblige à cet éloignement. Après 6 ans passés depuis notre voyage, dans les plus grands plaisirs qu'on goûte au mariage, mon père, tout caduc et mouvant, m'a pitié, je conjurais m'aider au nom de l'amitié. J'ai su comme son art, forçant les destinées, lui rendit la vigueur de ses jeunes années. Ce fut, s'il m'en souvient, ici que je l'appris. D'où soudain, un voyage en Asie entrepris fait que, nos 2 séjours divisés par Neptune, je n'ai point su depuis quelle est votre fortune, je n'en fais qu'arriver. Apprenez donc de moi le sujet qui m'oblige à lui manquer de foi. Malgré l'aversion d'entre nos 2 familles, de mon tyran Pélie et le gagne les filles, et leur fin de ma part tant d'outrages reçus que ces faibles esprits sont aisément déçus. Elle fait amitié, leur promet des merveilles, du pouvoir de son art leur remplit les oreilles, et pour mieux leur montrer comme il est infini, leur étale surtout mon père, rajeuni. Pour épreuve, elle égorge un bélier à leur vue, le plonge en un bain d'eau et d'herbes inconnues, lui forme un nouveau sang qu'avec cette liqueur, et lui rend d'un agneau la taille et la vigueur. Les sœurs crient miracle, et chacune ravie qu'on soit pour son vieux père une pareille envie, veut un effet pareil, le demande et l'obtient. Mais chacune a son but. Cependant la nuit vient... Médée, après le coup d'une si belle amorce, prépare de l'eau pure et des herbes sans force, redouble le sommeil des gardes et du roi. La suite au seul récit me fait trembler d'effroi. À force de pitié, ces filles inhumaines, de Pélie endormies, vont épuiser les veines. Leur tendresse crédule à grands coups de couteau prodigue ce vieux sang et fait place au nouveau. Le coup le plus mortel s'impute à grand service, on nomme piété ce cruel sacrifice. Et l'amour paternel qui fait agir leurs bras croirait commettre un crime à n'en commettre pas. Médée est éloquente à leur donner courage. Chacune toutefois tourne ailleurs son visage, une secrète horreur condamne leur dessein et refuse leurs yeux à conduire leurs mains. À me représenter ce tragique spectacle... qui fait un parricide et promet un miracle, J'ai de l'horreur moi-même, et ne puis concevoir qu'un esprit jusque-là se laisse décevoir. Ainsi, mon père Aizon recouvra sa jeunesse. Mais oyez le surplus. Ce grand courage cesse, l'épouvante les prend, Médée en raille et fuit. Le jour découvre à tous les crimes de la nuit. Et pour vous épargner un discours inutile, Acaste, nouveau roi, fait mutiner la ville, nomme Jason l'auteur de cette trahison, et pour venger son père, assiège ma maison. Mais j'étais loin déjà, aussi bien que Médée. Et ma famille enfin à Corinthe abordée, nous saluons Créon, dont la bénignité nous promet contre Acaste un lieu de sûreté. Que vous dirais-je plus ? Mon bonheur ordinaire m'acquiert les volontés de la fille et du père, si bien que de tous deux, également chéris, l'un me veut pour son gendre et l'autre pour mari. D'un rival couronné, les grandeurs souveraines, la majesté d'Égée, le sceptre d'Athènes n'ont rien à leur avis de comparable à moi. Et banni que je suis, je leur suis plus qu'un roi. Je vois trop ce bonheur, mais je le dissimule, et bien que pour Créuse, un pareil feu me brûle, du devoir conjugal je combats mon amour, et je ne l'entretiens que pour faire ma cour. Acaste cependant menace d'une guerre qui doit perdre Créon et dépeupler sa terre. Puis, changeant tout à coup ses résolutions, il propose la paix sous des conditions. Il demande d'abord et Jason et Médée. On lui refuse l'un et l'autre est accordé. Je l'empêche, on débat et je fais tellement qu'enfin il se réduit à son bannissement. De nouveau, je l'empêche et Créon me refuse. Et pour m'en consoler, il m'offre sa Créuse. Que sais-je fait, Pollux, en cette extrémité qui commettait ma vie avec ma loyauté ? Car sans doute, à quitter l'utile pour l'honnête, la paix allait se perdre aux dépens de ma tête. Le mépris insolent des offres d'un grand roi aux mains d'un ennemi livrait Médée et moi. Je l'eusse fait pourtant si je n'eusse été père. L'amour de mes enfants m'a fait l'âme légère. Ma perte était la leur. Et cet hymen nouveau, avec Médée et moi, les tire du tombeau. Eux seuls m'ont fait résoudre, et la paix s'est conclue. Bien que de tous côtés l'affaire résolue ne laisse aucune place au conseil d'un ami, je ne puis toutefois l'approuver qu'à demi. Sur quoi que vous fondiez un traitement si rude, c'est montrer pour Médée un peu d'ingratitude. Ce qu'elle a fait pour vous est mal récompensé. Il faut craindre, après tout, son courage offensé. Vous savez mieux que moi ce que peuvent ses charmes. Ce sont à sa fureur d'épouvantables armes. Mais son bannissement nous en va garantir. Gardez d'avoir sujet de vous en repentir. Quoi qu'il puisse arriver, ami, c'est chose faite. Là termine le ciel comme je le souhaite. Permettez cependant qu'afin de m'acquitter, j'aille trouver le roi pour l'en féliciter. Je vous y conduirai, mais j'attends ma princesse qui va sortir du temple. Adieu, l'amour vous presse. Et je serai mari qu'un soin officieux vous fit perdre pour moi des temps si précieux. Depuis que mon esprit est capable de flamme, jamais un trouble égal n'a confondu mon âme. Mon cœur qui se partage en deux affections se laisse déchirer à mille passions. Je dois tout à Médée, et je ne puis sans honte, et d'elle et de ma foi, tenir si peu de compte. Je dois tout à Créon, et d'un si puissant roi, je fais un ennemi si je garde ma foi. Je regrette Médée et j'adore Créuse. Je vois mon crime en l'une, en l'autre mon excuse. Et dessus mon regret, mes désirs triomphants ont encore le secours du soin de mes enfants. Mais la princesse vient. L'éclat d'un tel visage, du plus constant du monde, attirerait l'hommage. Et semble reprocher à ma fidélité d'avoir osé tenir contre tant de beauté. Que vos dévotions d'une longue souffrance gênent un pauvre amant qui meurt en votre absence. Je n'ai pas fait pourtant au ciel beaucoup de vœux. Ayant Jason à moi, j'ai tout ce que je veux. Et moi, puis-je espérer l'effet d'une prière que ma flamme tiendrait à faveur singulière ? Au nom de notre amour, sauvez deux jeunes fruits que d'un premier hymen la couche m'a produit. Employez-vous pour eux, faites auprès d'un père qu'ils ne soient point compris en l'exil de leur mère. C'est lui seul qui bannit ces petits malheureux, puisque dans les traités, il n'est point parlé d'eux. J'avais déjà pitié de leur tendre innocence. Et vous y servirez de toute ma puissance, pourvu qu'à votre tour, vous m'accordiez un point que jusque-là à tantôt, je ne vous dirai point. Dites, et quel qu'il soit, que ma reine en dispose. Si je puis sur mon père obtenir quelque chose, vous le saurez après. Je ne veux rien pour rien. Vous pourrez au palais suivre cet entretien. On ouvre chez Médée. Ôtez-vous de sa vue. Vos présences rendraient sa douleur plus émue et vous seriez mari que cet esprit jaloux mêla son amertume à des plaisirs si doux. Souverain protecteur des lois de l'Hyménée, Dieu garant de la foi que Jason m'a donnée, vous qu'il prit à témoin d'une immortelle ardeur quand par un faux serment il vainquit ma pudeur. Voyez de quel mépris vous traite son parjure et m'aidez à venger cette commune injure. S'il me peut aujourd'hui chasser impunément, vous êtes sans pouvoir ou sans ressentiment. Et vous, troupe savante en noire barbarie, fille de l'Achéron, peste, larve, furie, fière sœur, si jamais notre commerce étroit sur vous et vos serpents me donna quelque droit, sortez de vos cachots avec les mêmes flammes et les mêmes tourments dont vous gênez les âmes. Laissez-les quelque temps reposer dans leur fer, pour mieux agir pour moi, faites trêve aux enfers. Apportez-moi du fond des antres de Mégère la mort de ma rivale et celle de son père. Et si vous ne voulez mal servir mon courroux, quelque chose de pis pour mon perfide époux, qu'il court vagabond de province en province, qu'il fasse lâchement la cour à chaque prince, banni de tous côtés, sans bien et sans appui, accablé de frayeurs, de misère, d'ennui, qu'à ses plus grands malheurs aucun ne compatisse, qu'il ait regret à moi pour son dernier supplice, et que mon souvenir jusque dans le tombeau attache à son esprit un éternel bourreau. Jason me répudie, et qui l'aurait pu croire? S'il a manqué d'amour, manque-t-il de mémoire? Me peut-il bien quitter après tant de bienfaits? M'ose-t-il bien quitter après tant de forfaits? Sachant ce que je puis, ayant vu ce que j'ose, croit-il que m'offenser ce soit si peu de choses? Quoi? Mon père trahi, les éléments forcés, d'un frère dans la mer les membres dispersés, lui font-ils présumer mon audace épuisée? Lui font-ils présumer qu'à mon tour méprisé, ma rage contre lui n'est pas où s'assouvir et que tout mon pouvoir se borne à le servir? Tu t'abuses, Jason, je suis encore moi-même. Tout ce qu'en ta faveur fit mon amour extrême, je le ferai par haine. Et je veux pour le moins qu'un forfait nous sépare ainsi qu'il nous a joints. Que mon sanglant divorce en meurtres, en carnage, s'égale au premier jour de notre mariage, et que notre union, que rompt ton changement, trouve une fin pareille à son commencement. Déchiré par morceaux, l'enfant aux yeux du père n'est que le moindre effet qui suivra ma colère. Des crimes si légers furent mes coups d'essai. Il faut bien autrement montrer ce que je sais. Il faut faire un chef-d'œuvre et qu'un dernier ouvrage surpasse de bien loin ce faible apprentissage. Mais pour exécuter tout ce que j'entreprends, quels dieux me fourniront des secours assez grands? Ce n'est plus vous, enfer, qu'ici je sollicite. Vos feux sont impuissants pour ceux que je médite. Auteur de ma naissance aussi bien que du jour, qu'à regret tu départs à ce fatal séjour. Soleil, qui vois l'affront qu'on va faire à ta race, donne-moi tes chevaux à conduire en ta place. Accorde cette grâce à mon désir bouillant, Je veux choir sur Corinthe avec ton char brûlant. Mais ne crains pas de chute à l'univers funeste. Corinthe consumée garantira le reste. De mon juste courroux, les implacables vœux dans ces odieux murs arrêteront tes feux. Créon en est le prince et prend Jason pour gendre. C'est assez mérité d'être réduite en cendres, d'y voir réduit tout l'isme, afin de l'en punir et qu'il n'empêche plus les deux mères de s'unir. Eh bien, Nérine, à quand? À quand cet Hyménée? En ont-ils choisi l'heure? En sais-tu la journée? N'en as-tu rien appris? N'as-tu point vu Jason? N'appréhende-t-il rien après sa trahison? Croit-il qu'en cet affront, je m'amuse à me plaindre? S'il cesse de m'aimer, qu'il commence à me craindre? Il verra le perfide à quel comble d'horreur de mes ressentiments peut monter la fureur! Modérez les bouillons de cette violence et laissez déguiser vos douleurs au silence. Quoi, madame? Est-ce ainsi qu'il faut dissimuler? Et faut-il perdre ainsi des menaces en l'air? Les plus ardents transports d'une haine connue ne sont qu'autant d'éclairs avortés dans la nuit, qu'autant d'avis à ceux que vous voulez punir pour repousser vos coups ou pour les prévenir. Qui peut sans s'émouvoir supporter une offense peut mieux prendre à son point le temps de sa vengeance. Et sa feinte douceur sous un appât mortel mène insensiblement sa victime à l'autel. Tu veux que je me taise et que je dissimule? Néri ne porte ailleurs ce conseil ridicule. L'âme en est incapable en de moindres malheurs et n'a point au cachet de pareilles douleurs. Jason m'a fait trahir mon pays et mon père et me laisse au milieu d'une terre étrangère sans support, sans amis, sans retraite, sans bien. La fable de son peuple et la haine du mien. Nérine, après cela, tu veux que je me taise? Ne dois-je point encore en témoigner de l'aise de ce royal hymen souhaité le rejour et forcer tous mes soins à servir son amour? Madame, pensez mieux à l'éclat que vous faites, quelque juste qu'il soit. Regardez où vous êtes, considérez qu'à peine un esprit plus remis vous tient en sûreté parmi vos ennemis. L'âme doit se raidir plus elle est menacée, et contre la fortune aller tête baissée. La choquer hardiment et sans craindre la mort, se présenter de front à son plus rude effort. Cette lâche ennemie a peur des grands courages, et sur ce qu'elle abat redouble ses outrages. Que sert ce grand courage où l'on est sans pouvoir? Il trouve toujours lieu de se faire valoir. Forcez l'aveuglement dont vous êtes séduite, pour voir en quel état le sort vous a réduite. Votre pays vous hait, votre époux est sans foi. Dans un si grand revers, que vous reste-t-il? Moi, dis-je, c'est assez. Quoi, vous seule, madame? Oui. Tu vois en moi seul et le fer et la flamme, et la terre et la mer, et l'enfer et les cieux, et le sceptre des rois et le foudre des dieux. L'impétueuse ardeur d'un courage sensible à vos ressentiments figure tout possible, mais il faut craindre un roi fort de tant de sujets. Mon père qu'il était, rompit-il mes projets? Non, mais il fut surpris, et créons ce défi. Fuyez, qu'à ses soupçons il ne vous sacrifie. Las, je n'ai que trop fui. Cette infidélité d'un juste châtiment puni ma lâcheté. Si je n'eusse point fui pour la mort de Pélie, si j'eusse tenu bon dedans la Thessalie, il n'eût point vu Créuse, et cet objet nouveau n'eût point de notre hymen étouffé le flambeau. Fuyez encore de grâce. Oui, je fuirai, Nérine. Mais avant de Créon, on verra la ruine. Je brave la fortune et toute sa rigueur en m'ôtant un mari, ne m'ôte pas le cœur. Sois seulement fidèle et sans te mettre en peine, laisse agir pleinement mon savoir et ma haine. Madame! Elle me quitte au lieu de m'écouter. Ces violents transports vont la précipiter. D'une trop juste ardeur, l'inexorable envie lui fait abandonner le souci de sa vie. Tâchons encore un coup d'en divertir le cours. Apaiser sa fureur, c'est conserver ses jours. Bien qu'un péril certain suive votre entreprise, assurez-vous sur moi. Je vous suis tout acquise. Employez mon service aux flammes, aux poisons, je ne refuse rien. Mais épargnez, Jason. Votre aveugle vengeance, une fois assouvie, le regret de sa mort vous coûterait la vie. Et les coups violents d'un rigoureux ennui... Cesse de m'en parler et ne crains rien pour lui. Ma fureur jusque-là n'oserait me séduire. Jason m'a trop coûté pour le vouloir détruire. Mon courroux lui fait grâce et ma première ardeur soutient son intérêt au milieu de mon cœur. Je crois qu'il m'aime encore et qu'il nourrit en l'âme quelques restes secrets d'une si belle flamme. Qu'il ne fait qu'obéir aux volontés d'un roi qu'il arrache à m'aider en dépit de sa foi. Qu'il vive et s'il se peut, que l'ingrat me demeure. Sinon, ce m'est assez que sa créuse meure. Qu'il vive cependant et jouisse du jour que lui conserve encore mon immuable amour. Créon seul et sa fille ont fait la perfidie. Eux seuls termineront toute la tragédie. Leur perte achèvera cette fatale paix. Contenez-vous, madame. Il sort de son palais. Quoi ? Je te vois encore. Quelle impudence ! Peux-tu sans t'effrayer soutenir ma présence ? Ignores-tu l'arrêt de ton bannissement ? Fais-tu si peu de cas de mon commandement ? Voyez comme elle s'enfle et d'orgueil et d'audace. Ses yeux ne sont que feu, ses regards que menace. Garde, empêchez-la de s'approcher de moi. Va, purge mes états d'un monstre tel que toi. Délivre mes sujets et moi-même de crainte. De quoi m'accuse-t-on ? Quel crime, quelle plainte pour mon bannissement vous donne tant d'ardeur ? Ah, l'innocence même et la même candeur. Médée est un miroir de vertu signalée. Quelle inhumanité de l'avoir exilée. Barbare, as-tu si tôt oublié tant d'horreurs ? Repasse tes forfaits, repasse tes erreurs, et de tant de pays nomme quelques contrées dont tes méchancetés te permettent l'entrée. Toute la Thessalie en armes te poursuit. Ton père te déteste et l'univers te fuit. Me dois-je, en ta faveur chargé de tant de haine, et sur mon peuple et moi, faire tomber tes peines ? Va pratiquer ailleurs tes noires actions. J'ai racheté la paix à ces conditions. Lâche paix qu'entre vous, sans m'avoir écouté pour m'arracher mon bien, vous avez comploté. Paix dont le déshonneur vous demeure éternel. Quiconque sans louir condamne un criminel, son crime eût-il 100 fois mérité le supplice d'un juste châtiment, il fait une injustice. Au regard de Pélie, il fut bien mieux traité. Avant que l'égorgé, tu l'avais écouté ? Écouta-t-il Jason quand sa haine couverte l'envoya sur nos bords se livrer à sa perte ? Car comment voulez-vous que je nomme un dessein au-dessus de sa force et du pouvoir humain ? Apprenez quelle était cette illustre conquête et de combien de morts j'ai garanti sa tête. Il fallait mettre au joug deux taureaux furieux. Des tourbillons de feu s'élançaient de leurs yeux et leur maître Vulcain poussait par leur haleine un long embrasement dessus toute la plaine. Plus dompté, on entrait en de nouveaux hasards. Il fallait labourer les tristes champs de Mars et des dents d'un serpent ensemencer leur terre dont la stérilité fertile pour la guerre produisait à l'instant des escadrons armés contre la même main qui les avait semés. Mais quoi qu'eût fait contre eux une valeur parfaite, la toison n'était pas au bout de leur défaite. Un dragon enivrait des plus mortels poisons qu'enfantent les péchés de toutes les saisons. Vomissant 1000 traits de sa gorge enflammée, la gardait beaucoup mieux que toute cette armée. Jamais étoile, lune, aurore ni soleil ne virent abaisser sa paupière au sommeil. Je l'ai seul assoupi. Seul, j'ai par mes charmes mis au joug les taureaux et défait les gendarmes. Si l'or à mon devoir, mon désir limité eût conservé ma gloire et ma fidélité, si j'eusse eu de l'horreur de tant d'énormes fautes, que devenait Jason et tous vos argonautes ? Sans moi, ce vaillant chef que vous m'avez ravi fût péri le premier, et tous l'auraient suivi. Je ne me repens point d'avoir par mon adresse sauvé le sang des dieux et la fleur de la Grèce. Zétès, et Calais, et Pollux, et Castor, et le charmant Orphée, et le sage Nestor, tous vos héros enfin tiennent de moi la vie. Je vous les verrai tous possédés sans envie. Je vous les ai sauvés. Je vous les cède tous. Je n'en veux qu'un pour moi. N'en soyez point jaloux. Pour de si bons effets, laissez-moi l'infidèle. Il est mon crime seul si je suis criminel. Aimer cette inconstance, c'est tout ce que j'ai fait. Si vous me punissez, rendez-moi mon forfait. Est-ce user comme il faut d'un pouvoir légitime que me faire coupable et jouir de mon crime? Va te plaindre à Colchos. Le retour m'y plaira. Que Jason m'y remette ainsi qu'il m'en tira. Je suis prête à partir sous la même conduite qui de ces lieux aimés précipita ma fuite. Oh, d'un injuste affront les coups les plus cruels. Vous faites différence entre deux criminels. Vous voulez qu'on l'honore et que de deux complices, l'un est votre couronne et l'autre des supplices. Cesse de plus mêler ton intérêt au sien. Ton Jason, pris à part, est trop homme de bien. Le séparant de toi, sa défense est facile. Jamais il n'a trahi son père ni sa ville. Jamais sang innocent n'a fait rougir ses mains. Jamais il n'a prêté son bras à tes desseins. Son crime, s'il en a, c'est de t'avoir pour femme. Laisse-le s'affranchir d'une honteuse flamme. Rends-lui son innocence en t'éloignant de nous. Porte en d'autres climats ton insolent courroux, tes herbes, tes poisons, ton cœur impitoyable et tout ce qui jamais a fait Jason coupable. Peignez mes actions plus noires que la nuit, je n'en ai que la honte, il en a tout le fruit. Ce fut en sa faveur que ma savante audace immola son tyran par les mains de sa race. Joignez-y mon pays et mon frère, il suffit qu'aucun de tant de maux ne vaque à son profit. Mais vous les saviez tous quand vous m'avez reçu. Votre simplicité n'a point été déçue. En ignoriez-vous un quand vous m'avez promis un rempart assuré contre mes ennemis? Ma main, saignante encore du meurtre de Pélie, soulevait contre moi toute la Thessalie, quand votre cœur, sensible à la compassion, malgré tous mes forfaits, prit ma protection. Si l'on me peut depuis imputer quelques crimes, c'est trop peu que l'exil. Ma mort est légitime, sinon à quel propos me traitez-vous ainsi? Je suis coupable ailleurs, mais innocente ici. Je ne veux plus ici d'une telle innocence. Ni souffrir en ma cour, ta fatale présence va. Dieu juste, vengeur! Va, dis-je, en d'autres lieux par tes cris importuns solliciter les dieux. Laisse-nous tes enfants. Je serais trop sévère si je les punissais des crimes de leur mère, et bien que je le pusse avec juste raison. Ma fille les demande en faveur de Jason. Barbare humanité qui m'arrache à moi-même. Et fin de la douceur pour m'ôter ce que j'aime. Si Jason et Créuse ainsi l'ont ordonné, qu'ils me rendent le sang que je leur ai donné. Ne me réplique plus. Suis la loi qui t'est faite. Prépare ton départ et pense à ta retraite. Pour en délibérer et choisir le quartier, de grâce ma bonté te donne un jour entier. Quelle grâce! Soldats, remettez-la chez elle. Sa contestation deviendrait éternelle. Quel indomptable esprit, quel arrogant maintien accompagnait l'orgueil d'un si long entretien. A-t-elle rien fléchi de son humeur altière? A-t-elle pu descendre à la moindre prière? Et le sacré respect de ma condition, en a-t-il arraché quelques soumissions? Te voilà sans rival et mon pays sans guerre. Ma fille, c'est demain qu'est le sort de nos terres. Nous n'avons désormais que craindre de sa part. Acaste et satisfait d'un si proche départ, et si tu peux calmer le courage d'Égée, qui voit par notre choix son ardeur négligée, fais état que demain nous assure à jamais, et dedans et dehors, une profonde paix. Je ne crois pas, Seigneur, que ce vieux roi d'Athènes, voyant aux mains d'autrui le fruit de tant de peines, mêle tant de faiblesse à son ressentiment, que son premier courroux se dissipe aisément. J'espère toutefois qu'avec un peu d'adresse, je pourrai le résoudre à perdre une maîtresse dont l'âge peut sortable et l'inclination répondait assez mal à son affection. Il doit vous témoigner par son obéissance combien sur son esprit vous avez de puissance. Et s'il s'obstine à suivre un injuste courroux, nous saurons, ma princesse, en rabattre les coups. Et nos préparatifs contre la Thessalie ont trop de quoi punir sa flamme et sa folie. Nous n'en viendrons pas là. Regarde seulement à le payer d'estime et de remerciements. Je voudrais pour tout autre un peu de raillerie. Un vieillard amoureux mérite qu'on en rie. Mais le trône soutient la majesté des rois au-dessus du mépris comme au-dessus des lois. On doit toujours respect au sceptre, à la couronne. Remets tout, si tu veux, aux ordres que je donne. Je saurai l'apaiser avec facilité si tu ne te défends qu'avec civilité. Que ne vous dois-je point pour cette préférence où mes désirs n'osaient porter mon espérance? C'est bien me témoigner un amour infini de mépriser un roi pour un pauvre banni. À toutes ces grandeurs, préférer ma misère, tourner en ma faveur les volontés d'un père, garantir mes enfants d'un exil rigoureux. Qu'a pu faire de moindre un courage amoureux? La fortune a montré dedans votre naissance un trait de son envie ou de son impuissance. Elle devait un sceptre au sang dont vous naissez, et sans lui, vos vertus le méritaient assez. L'amour qui n'a pu voir une telle injustice supplée à son défaut ou punit sa malice et vous donne au plus fort de vos adversités le sceptre que j'attends et que vous méritez. La gloire m'en demeure et les races futures comptant notre hyménée entre vos aventures vanteront à jamais mon amour généreux qui d'un si grand héros rompt le sort malheureux. Après tout, cependant, riez de ma faiblesse. Prête de posséder le phénix de la Grèce, la fleur de nos guerriers, le sang de tant de dieux, la robe de Médée a donné dans mes yeux. Mon caprice a son lustre attachant mon envie, sans elle trouve à dire au bonheur de ma vie. C'est ce qu'ont prétendu mes desseins relevés pour le prix des enfants que je vous ai sauvés. Que ce prix est léger pour un si bon office. Il y faut toutefois employer l'artifice. Ma jalouse en fureur n'est pas femme à souffrir que ma main l'en dépouille afin de vous l'offrir. Des trésors dont son père épuise la Scythie, c'est tout ce qu'elle a pris quand elle en est sortie. Qu'elle a fait un beau choix. Jamais éclat pareil ne sema dans la nuit les clartés du soleil. Les perles avec l'or confusément mêlées, mille pierres de prix sur ses bords étalées, d'un mélange divin éblouissent les yeux. Jamais rien d'approchant ne se fit en ces lieux. Pour moi, tout aussitôt que je l'en vis parer, je ne fis plus d'état de la toison dorée, et dussiez-vous vous-même en être un peu jaloux. J'en eus presque envie aussitôt que de vous. Pour apaiser Médée et réparer sa perte, l'épargne de mon père, entièrement ouverte, lui met à l'abandon tous les trésors du roi, pourvu que cette robe et Jason soient à moi. N'en doutez point, ma reine, elle vous est acquise. Je vais chercher Nérine et par son entremise obtenir de Médée avec dextérité ce que refuserait son courage irrité. Pour elle, vous savez que j'enfuis les approches. J'aurais peine à souffrir l'orgueil de ses reproches. Et je me connais mal où dans notre entretien son courroux s'allumant allumerait le mien. Je n'ai point un esprit complaisant à sa rage jusque à supporter sans réplique un outrage. Et ce serait pour moi d'éternel déplaisir de reculer par là l'effet de vos désirs. Mais sans plus de discours d'une maison voisine, je vais prendre le temps que sortira Nérine. Souffrez pour avancer votre contentement, que malgré mon amour, je vous quitte un moment. Madame, j'aperçois venir le roi d'Athènes. Allez donc, votre vue augmenterait ses peines. Souvenez-vous de l'air dont il le faut traiter. Ma bouche à Cortement saura s'en acquitter. Sur un bruit qui m'étonne et que je ne puis croire, madame, mon amour, jaloux de votre gloire, vient savoir s'il est vrai que vous soyez d'accord par un honteux hymen de l'arrêt de ma mort. Votre peuple en frémit, votre cour en murmure, et tout Corinthe enfin s'impute à grande injure qu'un fugitif, un traître, un meurtrier de roi lui donne à l'avenir des princes et des lois. Il ne peut endurer que l'horreur de la Grèce, pour prix de ses forfaits, épouse sa princesse, et qu'il faille ajouter à vos titres d'honneur femme d'un assassin et d'un empoisonneur. Laissez agir, grand roi, la raison sur votre âme, et ne le chargez point des crimes de sa femme. J'épouse un malheureux, et mon père y consent, mes princes, mes vaillants, et surtout innocents. Non pas que je ne faille en cette préférence, de votre rang au sien, je sais la différence. Et si vous connaissez l'amour et ses ardeurs, jamais pour son objet il ne prend les grandeurs. Avouez que son feu n'en veut qu'à la personne, et qu'en moi, vous n'aimiez rien moins que ma couronne. Souvent, je ne sais quoi qu'on ne peut exprimer, nous surprend, nous emporte et nous force d'aimer. Et souvent, sans raison, les objets de nos flammes frappent nos yeux ensemble et saisissent nos âmes. Ainsi, nous avons vu le souverain des dieux, au mépris de Junon, aimé en ses bas lieux, Vénus quittait son Mars et négligeait sa prise, tantôt pour Adonis et tantôt pour Anchise. Et c'est peut-être encore avec moins de raison que, bien que vous m'aimiez, je me donne à Jason. D'abord, dans mon esprit, vous eûtes ce partage. Je vous estimais plus et l'aimais davantage. Gardez ces compliments pour de moins enflammés et ne m'estimez point qu'autant que vous m'aimez. Que me sert cet aveu d'une erreur volontaire? Si vous croyez faillir, qui vous force à le faire? N'accusez point l'amour ni son aveuglement. Quand on connaît sa faute, on manque doublement. Puis donc que vous trouvez la mienne inexcusable, je ne veux plus, Seigneur, me confesser coupable. L'amour de mon pays et le bien de l'État me défendait l'hymen d'un si grand potentat. Il me fallut soudain vous suivre en vos provinces et priver mes sujets de l'aspect de leur prince. Votre sceptre pour moi n'est qu'un pompeux exil. Que me sert son éclat? Et que me donne-t-il? M'élève-t-il d'un rang plus haut que souveraine? Et sans le posséder, ne me vois-je pas reine? Grâce aux immortels, dans ma condition, j'ai de quoi m'assouvir de cette ambition. Je ne veux point changer mon sceptre contre un autre. Je perdrai ma couronne en acceptant la vôtre. Corinthe est bon sujet, mais il veut voir son roi. Et d'un prince éloigné, rejetterait la loi. Joignez à ces raisons qu'un père un peu sur l'âge, dont ma seule présence adoucit le veuvage, ne saurait se résoudre à séparer de lui, de ses débiles ans, l'espérance et l'appui. Et vous reconnaîtrez que je ne vous préfère que le bien de l'État, mon pays et mon père. Voilà ce qui m'oblige au choix d'un autre époux. Et comme ces raisons font peu d'effet sur vous, afin de redonner le repos à votre âme, souffrez que je vous quitte. Allez. Allez, madame. Étalez vos appâts et vantez vos mépris à l'infâme sorcier qui charme vos esprits. De cette indignité, faites un mauvais compte. Riez de mon ardeur, riez de votre honte. Favorisez celui de tous vos courtisans qui raillera le mieux le déclin de mes ans. Vous jouirez fort peu d'une telle insolence. Mon amour outragé court à la violence. Mes vaisseaux à la rade est assez proche du port n'ont que trop de soldats à faire un coup d'effort. La jeunesse me manque et n'ont pas le courage. Les rois ne perdent point les forces avec l'âge. Et l'on verra peut-être avant ce jour fini ma passion vengée et votre orgueil puni. Malheureux instrument du malheur qui me presse, que j'ai pitié de toi, déplorable princesse. Avant que le soleil ait fait encore un tour, ta perte inévitable achève ton amour. Ton destin te trahit, et ta beauté fatale sous l'appât d'un hymen t'expose à ta rivale. Ton sceptre est impuissant à vaincre son effort, et le jour de sa fuite est celui de ta mort. Sa vengeance à la main a le nac à résoudre. Un mot du haut des cieux fait descendre le foudre. Les mers, pour noyer tout, n'attendent que sa loi. La terre offre à s'ouvrir sous le palais du roi. L'air tient les vents tout prêts à suivre sa colère, tant la nature esclave a peur de lui déplaire. Et si ce n'est assez de tous les éléments, les enfers vont sortir à ses commandements. Moi, bien que mon devoir m'attache à son service, je lui prête à regret un silence complice. D'un louable désir, mon cœur sollicité lui ferait avec joie une infidélité. Mais loin de s'arrêter, sa rage découverte à celle de Créuse ajouterait ma perte, et mon funeste avis ne servirait de rien qu'à confondre mon sang dans les bouillons du sien. D'un mouvement contraire à celui de mon âme, la crainte de la mort m'ôte celle du blâme, et ma timidité s'efforce d'avancer ce que hors du péril je voudrais traverser. Nérine, eh bien, que dit, que fait notre exilée? Dans ton cher entretien, s'est-elle consolée? Veut-elle bien céder à la nécessité? Je trouve en son chagrin moins d'animosité. De moment en moment, son âme plus humaine abaisse sa colère et rabat de sa haine. Déjà, son déplaisir ne vous veut plus de mal. Fais-lui prendre pour tous un sentiment égal. Toi qui de mon amour connaissais la tendresse, tu peux connaître aussi quelle douleur me presse. Je me sens déchirer le cœur à son départ. Créuse en ses malheurs prend même quelque part, ses pleurs en ont coulé. Créon même soupire, lui préfère à regret le bien de son empire. Et si dans son adieu son cœur moins irrité en voulait mériter la libéralité, si jusque-là Médée apaisait ses menaces, qu'elle eut soin de partir avec ses bonnes grâces, je sais comme il est bon que ses trésors ouverts lui seraient sans réserve entièrement offerts. Et malgré les malheurs où le sort l'a réduite, soulagerait sa peine et soutiendrait sa fuite. Puisqu'il faut se résoudre à ce bannissement, il faut en adoucir le mécontentement. Cette offre y peut servir, et par elle, j'espère, avec un peu d'adresse, apaiser sa colère. Mais d'ailleurs, toutefois, n'attendez rien de moi. S'il faut prendre congé de Créuse et du roi, l'objet de votre amour et de sa jalousie, de toutes ses fureurs l'aurait tout ressaisi. Pour montrer sans les voir son courage apaisé, je te dirai, Nérine, un moyen fort aisé. Et de si longue main je connais ta prudence que je t'en fais sans peine entière confidence. Créon bannit Médée, et ses ordres précis dans son bannissement enveloppaient ses fils. La pitié de Créuse a tant fait vers son père qu'ils n'auront point de part au malheur de leur mère. Médée lui doit par eux quelques remerciements. Qu'un présent de sa part suive leurs compliments. Sa robe, dont l'éclat sied mal à sa fortune et n'est à son exil qu'une charge importune, lui gagnerait le cœur d'un prince libéral et de tous ses trésors l'abandon général. D'une vaine parure inutile à sa peine, elle peut acquérir de quoi faire la reine. Créuse, où je me trompe, en a quelque désir. Et je ne pense pas qu'elle pût mieux choisir. Mais la voici qui sort, souffre que je l'évite, ma rencontre la trouble et mon aspect l'irrite. Ne fuyez pas, Jason, de ces funestes lieux. C'est à moi d'en partir, recevez mes adieux. Accoutumé à fuir l'exil, mais peu de choses, sa rigueur n'a pour moi de nouveau que sa cause. C'est pour vous que j'ai fui, c'est vous qui me chassez. Où me renvoyez-vous si vous me bannissez? Irai-je sur le phase où j'ai trahi mon père, apaisé de mon sang les mânes de mon frère? Irai-je en Thessalie où le meurtre d'un roi pour victime aujourd'hui ne demande que moi? Il n'est point de climat dont mon amour fatal n'ait acquis à mon nom la haine générale. Et ce qu'on fait pour vous, mon savoir et ma main, m'a fait un ennemi de tout le genre humain. Ressouviens-t'en, ingrat. Remets-toi dans la plaine que ces taureaux affreux brûlaient de leur haleine. Revois ce champ guerrier dont les sacrés sillons élevaient contre toi dessous d'un bataillon. Ce dragon qui jamais n'eut les paupières closes et l'or, préfère-moi Créuse si tu l'oses. Qu'ai-je épargné depuis qui fut en mon pouvoir? Ai-je auprès de l'amour écouté mon devoir pour jeter un obstacle à l'ardente poursuite dont mon père, en fureur, touchait déjà ta fuite? Semais-je avec regret mon frère par morceaux? À ce funeste objet épandu sur les eaux, mon père, trop sensible aux droits de la nature, quitta tous autres soins que de sa sépulture. Et par ce nouveau crime émouvant sa pitié, j'arrêtai les effets de son inimitié. Prodigue de mon sang, honte de ma famille, aussi cruelle sœur que déloyale fille, ces titres glorieux plaisaient à mes amours. Je les pris sans horreur pour conserver tes jours. Alors certes, alors, mon mérite était rare. Tu n'étais point honteux d'une femme barbare. Quant à ton père usé, je rendis la vigueur. J'avais encore tes vœux, j'étais encore ton cœur. Mais cette affection mourante avec Pélie dans le même tombeau se vit ensevelie. L'ingratitude en l'âme et l'impudence au front. Une scie dans ton lit te fut lors un affront. Et moi, que tes désirs avaient tant souhaité, le dragon assoupi, la toison emportée, ton tyran massacré, ton père rajeuni, je devins un objet digne d'être banni. Tes desseins achevés, j'ai mérité ta haine. Il t'a fallu sortir d'une honteuse chaîne et prendre une moitié qui n'a rien plus que moi, que le bandeau royal que j'ai quitté pour toi. Ah, que n'as-tu des yeux à lire dans mon âme et voir les purs motifs de ma nouvelle flamme? Les tendres sentiments d'un amour paternel pour sauver mes enfants me rendent criminel. Si l'on peut nommer crime un malheureux divorce où le soin que j'ai d'eux me réduit et me force... Toi-même, furieuse, ai-je peu fait pour toi d'arracher ton trépas aux vengeances d'un roi? Sans moi, ton insolence allait être punie. À ma seule prière, on ne t'a que banni. C'est rendre la pareille à tes grands coups d'effort. Tu m'as sauvé la vie et j'empêche ta mort. On ne m'a que banni. Ô bonté souveraine, c'est donc une faveur et non pas une peine. Je reçois une grâce au lieu d'un châtiment. Et mon exil encore doit un remerciement. Ainsi l'avare soif du brigand, assouvi, il s'impute à pitié de nous laisser la vie. Quand il n'égorge point, il croit nous pardonner. Et ce qu'il n'ôte pas, il pense le donner. Tes discours, dont Créon de plus en plus s'offense, le forcerait enfin à quelque violence. Éloigne-toi d'ici, tandis qu'il t'est permis. Les rois ne sont jamais de faibles ennemis. À travers tes conseils, je vois assez ta ruse. Ce n'est l'amant donné qu'en faveur de Créuse. Ton amour, déguisé d'un soin officieux, d'un objet importun, veut délivrer ses yeux. N'appelle point amour un change inévitable où Créuse fait moins que le sort qui m'accable. Peux-tu bien sans rougir désavouer tes feux? Eh bien, soit! Ces attraits captivent tous mes vœux. Toi qu'un amour furtif souilla de tant de crimes, m'oses-tu reprocher des ardeurs légitimes? Oui. Je te les reproche. Et de plus... Quel forfait? La trahison, le meurtre et tous ceux que j'ai faits. Il manque encore ce point à mon sort déplorable, que de tes cruautés on me fasse coupable. Tu présumes en vain de t'en mettre à couvert. Celui-là fait le crime à qui le crime sert. Que chacun, indigné contre ceux de ta femme, la traite en ses discours de méchante et d'infâme. Toi seul... dont ces forfaits ont fait tout le bonheur, tiens-la pour innocente et défends son honneur. J'ai honte de ma vie et je hais son usage depuis que je la dois aux effets de ta rage. La honte généreuse et la haute vertu, puisque tu la hais tant, pourquoi la gardes-tu? Au bien de nos enfants, dont l'âge faible est tendre, contre tant de malheurs, ne saurait se défendre, deviens en leur faveur d'un naturel plus doux. Mon âme à leur sujet redouble son courroux. Faut-il ce déshonneur pour comble à mes misères, qu'à mes enfants créus enfin donnent des frères? Tu vas mêler impie et mettre en rang pareil des neveux de Sisyphe avec ceux du soleil. Leur grandeur soutiendra la fortune des autres. Créuse et ses enfants conserveront les nôtres. Je l'empêcherai bien, ce mélange odieux qui déshonore ensemble les ma race et les dieux. Lassé de tant de maux, cédons à la fortune. Ce corps n'enferme pas une âme si commune. Je n'ai jamais souffert qu'elle me fît la loi. Et toujours ma fortune a dépendu de moi. La peur que j'ai d'un sceptre. Ah, cœur rempli de feinte. Tu masques tes désirs d'un faux titre de crainte. Un sceptre est l'objet seul qui fait ton nouveau choix. Veux-tu que je m'expose aux haines de deux rois et que mon imprudence attire sur nos têtes d'un et d'autre côté de nouvelles tempêtes? Fuis-les, fuis-les tous deux. Suis m'aider à ton tour et garde au moins ta foi si tu n'as plus d'amour. Il est aisé de fuir, mais il n'est pas facile contre deux rois aigris de trouver un asile qui leur résistera s'ils viennent à s'unir. Qui me résistera si je te veux punir, déloyal? Auprès d'eux crains-tu si peu m'aider que toute leur puissance en armes débordées dispute contre moi ton cœur qu'ils m'ont surpris et ne soit du combat que le juge et le prix? Joins-leur si tu le veux, mon père et la city. En moi seul, ils n'auront que trop forte partie. Bornes-tu mon pouvoir à celui des humains? Contre eux, quand il me plaît, j'arme leurs propres mains. Tu le sais, tu l'as vu. Quand ces fils de la terre, par leurs coups mutuels, terminèrent leur guerre. Misérable. Je puis adoucir des taureaux. La flamme m'obéit et je commande aux eaux. L'enfer tremble et les cieux, sitôt que je les nomme. Et je ne puis toucher les volontés d'un homme. Je t'aime encore, Jason, malgré ta lâcheté. Je ne m'offense plus de ta légèreté. Je sens à tes regards décroître ma colère. De moment en moment, ma fureur se modère et je cours sans regret à mon bannissement, puisque j'en vois sortir ton établissement. Je n'ai plus qu'une grâce à demander ensuite. Souffre que mes enfants accompagnent ma fuite. Que je t'admire encore en chacun de leurs traits. Que je t'aime et te baise en ces petits portraits. Et que leur cher objet, entretenant ma flamme, te présente à mes yeux, aussi bien qu'à mon âme. Ah, reprends ta colère, elle a moins de rigueur. M'enlever mes enfants, c'est m'arracher le cœur. Et Jupiter, tout prêt à m'écraser du foudre, mon trépas à la main ne pourrait m'y résoudre. C'est pour eux que je change, et la part que sans eux, seuls de notre hymen pourrait rompre les nœuds. Cet amour paternel qui te fournit d'excuses me fait souffrir aussi que tu me les refuses. Je ne t'en presse plus. Et prête à me bannir, je ne veux plus de toi qu'un léger souvenir. Ton amour vertueux fait ma plus grande gloire. Ce serait me trahir qu'en perdre la mémoire. Et le mien envers toi, qui demeure éternel, t'en laisse en cet adieu le serment solennel. Puisse briser mon chef les traits les plus sévères que lancent des grands dieux les plus âpres colères. Qu'ils s'unissent ensemble afin de me punir si je ne perds la vie avant ton souvenir. J'y donnerai bon ordre. Il est en ta puissance d'oublier mon amour, mais non pas ma vengeance. Je la saurai graver en tes esprits glacés par des coups trop profonds pour en être effacés. Il aime ses enfants, ce courage inflexible. Son faible est découvert, par eux il est sensible. Par eux mon bras, armé d'une juste rigueur, va trouver des chemins à lui percer le cœur. Madame, épargnez-les, épargnez vos entrailles. N'avancez point par là vos propres funérailles. Contre un sang innocent, pourquoi vous irriter si Créuse en vos lacs se vient précipiter? Elle-même s'y jette et Jason vous la livre. Tu flattes mes désirs. Que je cesse de vivre si ce que je vous dis n'est pure vérité. Ah, ne me tiens donc plus l'âme en perplexité. Madame, il faut garder que quelqu'un ne nous voit et du palais du roi découvre notre joie. Un dessein éventé succède rarement. Rentrons donc et mettons nos secrets sûrement. C'est trop peu de Jason que ton œil me dérobe. C'est trop peu de mon lit, tu veux encore ma robe. Rival insatiable. Et c'est encore trop peu, si la force à la main tu l'as sans mon aveu. Il faut que par moi-même elle te soit offerte. Que perdant mes enfants, j'achète encore leur perte. Il en faut un hommage à tes divins attraits et des remerciements au vol que tu me fais. Tu l'auras. Mon refus serait un nouveau crime. Et je t'en veux parer pour être ma victime. Et sous un faux semblant de libéralité, saouler et ma vengeance et ton avidité. Le charme est achevé. Tu peux entrer, Nérine. Mes mots dans ces poisons trouvent leur médecine. Vois combien de serpents à mon commandement d'Afrique jusqu'ici n'ont tardé qu'un moment. Et contraints d'obéir à mes charmes funestes ont sur ce don fatal vomi toute leur peste. L'amour à tous mes sens ne fut jamais si doux que ce triste appareil à mon esprit jaloux. Ces herbes ne sont pas d'une vertu commune. Moi-même, en les cueillant, je fis pâlir la lune quand les cheveux flottants, le bras et le pied nu, j'en dépouillais jadis un climat inconnu. Vois mille autres venins. Cette liqueur épaisse mêle du sang de l'hydre avec celui de Ness. Python eut cette langue. Et ce plumage noir est celui qu'une harpie en fuyant laissa choir. Par ce tison, Altée assouvit sa colère, trop pitoyable sœur et trop cruelle mère. Ce feu tomba du ciel avec Phaéton. Cet autre vient des flots du pierreux Phlégéton. Et celui-ci, jadis, remplit en nos contrées des taureaux de Vulcain les gorges ensouffrées. Enfin, tu ne vois là, poudre racines, eau dont le pouvoir mortel n'ouvrit mille tombeaux. Ces présents déceptifs a bu toute leur force, et bien mieux que mon bras vengera mon divorce. Mes tyrans, par leur perte, apprendront que jamais. Mais d'où vient ce grand bruit que j'entends au palais? Du bonheur de Jason. Et du malheur d'Égée. Madame, peu s'en faut qu'il ne vous ait vengé. Ce généreux vieillard, ne pouvant supporter qu'on lui vole à ses yeux ce qu'il croit mériter, et que sur sa couronne et sa persévérance, l'exil de votre époux ait eu la préférence, attaché par la force à repousser l'affront que ce nouvel hymen lui porte sur le front. Comme cette beauté pour lui toute de glace, sur les bords de la mer contemplait la bonasse, il la voit mal suivie. Et prend un si beau temps à rendre ses désirs et les vôtres contents. De ses meilleurs soldats, une troupe choisie enferme la princesse et serre sa jalousie. L'effroi qui la surprend la jette en pamoison, et tout ce qu'elle peut, c'est de nommer Jason. Ces gardes à la bord font quelques résistances et le peuple leur prête une faible assistance. Mais l'obstacle léger de ces débiles cœurs laissait honteusement Créuse à leur vainqueur. Déjà presque en leur bord, elle était enlevée. Je devine la fin, mon traître l'a sauvée. Oui, madame. Et de plus, Égée est prisonnier. Votre époux à son myrte ajoute ce laurier. Mais apprenez comment. N'en dis pas davantage. Je ne veux point savoir ce qu'a fait son courage. Il suffit que son bras a travaillé pour nous et rend une victime à mon juste courroux. Nérine, mes douleurs auraient peu d'allégeance si cet enlèvement l'ôtait à ma vengeance. Pour quitter son pays en étant malheureux, ce n'est pas son exil, c'est sa mort que je veux. Elle aurait trop d'honneur de n'avoir que ma peine et de verser des pleurs pour être deux fois reine. Tant d'invisibles feux enfermés dans ce don que d'un titre plus vrai j'appelle ma rançon produiront des effets bien plus doux à ma haine. Par là, vous vous vengez, sa perte est certaine. Mais contre la fureur de son père irrité, où pensez-vous trouver un lieu de sûreté? Si la prison d'Égée a suivi sa défaite, tu peux voir qu'en l'ouvrant, je m'ouvre une retraite et que ces fers brisés malgré leurs attentats à ma protection engage ses états. Dépêche seulement et cours vers ma rivale lui porter de ma part cette robe fatale. Mène-lui mes enfants et fais-les, si tu peux, présenter par leur père à l'objet de ses vœux. Mais madame, porter cette robe empestée, que de tant de poisons vous avez infecté, c'est pour votre Nérine un trop funeste emploi. Avant que sur Créuse ils agiraient sur moi. Ne crains pas leur vertu, mon charme la modère. Elle lui défend d'agir que sur elle et son père. Pour un si grand effet, prends un cœur plus hardi et sans me répliquer, fais ce que je te dis. Nous devons bien chérir cette valeur parfaite qui de nos ravisseurs nous donne la défaite. Invincible héros, c'est à votre secours que je dois désormais le bonheur de mes jours. C'est vous seul aujourd'hui dont la main vengeresse rend à Créon sa fille, à Jason sa maîtresse, met Égée en prison et son orgueil à bas et fait mordre la terre à ses meilleurs soldats. Grand roi, l'heureux succès de cette délivrance vous est beaucoup mieux dû qu'à mon peu de vaillance. C'est vous seul et Jason dont les bras indomptés portaient avec effroi la mort de tous côtés. Pareils à deux lions dont l'ardente furie dépeuple en un moment toute une bergerie. L'exemple glorieux de vos faits plus qu'humains échauffait mon courage et conduisait mes mains. J'ai suivi, mais de loin, des actions si belles qui laissaient à mon bras tant d'illustres modèles. Votre valeur qui souffre en cette repartie ôte toute croyance à votre modestie. Mais puisque le refus d'un honneur mérité n'est pas un petit trait de générosité, je vous laisse en jouir. Auteur de la victoire, ainsi qu'il vous plaira, départez-en la gloire. Comme elle est votre bien, vous pouvez la donner. Que prudemment les dieux savent tout ordonner. Voyez, braves guerriers, comme votre arrivée au jour de nos malheurs se trouve réservé, et qu'au point que le sort osait nous menacer, ils nous ont envoyé de quoi le terrasser. Digne sang de leur roi, demi-dieu magnanime, dont la vertu ne peut recevoir trop d'estime, qu'avons-nous plus à craindre? Et quel destin jaloux, tant que nous vous aurons, s'osera prendre à nous. Appréhendez pourtant, grand prince. Et quoi? M'aider qui par vous de son lit se voit dépossédé. Je crains qu'il ne vous soit malaisé d'empêcher qu'un gendre valeureux ne vous coûte bien cher. Après l'assassinat d'un monarque et d'un frère, peut-il être de sang qu'elle épargne ou révère? Accoutumée au meurtre et savante en poison, voyez ce qu'elle a fait pour acquérir Jason. Et ne présumez pas, quoi que Jason vous dit, que pour le conserver, elle soit moins hardie. C'est de quoi mon esprit n'est plus inquiété. Par son bannissement, j'ai fait ma sûreté. Elle n'a que fureur et que vengeance en l'âme, mais en si peu de temps que peut faire une femme. Je n'ai prescrit qu'un jour de terme à son départ. C'est peu pour une femme, et beaucoup pour son art. Sur le pouvoir humain, ne réglez pas les charmes. Quelque puissant qu'il soit, je n'en ai point d'alarme. Et quand bien ce délai devrait tout hasarder, ma parole est donnée et je la veux garder. Deux amants, Cléone ? La princesse seigneur près de Jason reprend son allégresse. Et ce qui sert beaucoup à son contentement, c'est de voir que Médée est sans ressentiment. Et quel dieu si propice à calmer son courage ? Jason et ses enfants qu'elle vous laisse en gage. La grâce que pour eux Madame obtient de vous a calmé les transports de son esprit jaloux. Le plus riche présent qui fut en sa puissance, à ses remerciements joint sa reconnaissance. Sa robe sans pareille, et sur qui nous voyons du soleil son aïeul briller mille rayons, que la princesse même avait tant souhaité par ses petits héros, lui vient d'être apportée. Et fait voir clairement les merveilleux effets qu'en un cœur irrité produisent les bienfaits. Eh bien, qu'en dites-vous ? Qu'avons-nous plus à craindre ? Si vous ne craignez rien, que je vous trouve à plaindre. Un si rare présent montre un esprit remis. J'ai toujours pour suspect les dons des ennemis. Ils font assez souvent ce que n'ont pu leurs armes. Je connais de Médée et l'esprit et les charmes, et veux bien m'exposer au plus cruel trépas, si ce rare présent n'est un mortel appât. Ces enfants si chéris qui nous servent d'otages ne peuvent-ils laisser quelque sorte d'ombrage ? Peut-être que contre eux s'étend sa trahison, qu'elle ne les prend plus que pour ceux de Jason, et qu'elle s'imagine en haine de leur père, que n'étant plus sa femme, elle n'est plus leur mère. Renvoyez-lui, Seigneur, ce don pernicieux, et ne vous chargez point d'un poison précieux. Madame, cependant, en est toute ravie, et de s'en voir parer, elle brûle d'envie. Où le péril égal et passe le plaisir, il faut se faire force et vaincre son désir. Jason, dans son amour, a trop de complaisance de souffrir qu'un tel don s'accepte en sa présence. Sans rien mettre au hasard, je saurai dextrement accorder vos soupçons et son contentement. Nous verrons dès ce soir sur une criminelle si ce présent nous cache une embûche mortelle. Nise, pour ses forfaits destinés à mourir, ne peut par cette épreuve injustement périr. Heureuse si sa mort nous rendait ce service de nous en découvrir le funeste artifice. Allons-y de ce pas et ne consumons plus de temps ni de discours en débats superflus. Funeste séjour dont jamais avant mon amour les sceptres n'ont été capables. Redoublez puissamment votre mortel effroi et joignez à mes mots une si vive atteinte que mon âme chassée ou s'enfuyant de crainte dérobe à mes vainqueurs le supplice d'un roi. Le triste bonheur où j'aspire. Je ne veux que hâter ma mort et n'accuse mon mauvais sort que de souffrir que je respire. Puisqu'il me faut mourir, que je meure à mon choix. Le coup m'en sera doux s'il est sans infamie. Prendre l'ordre à mourir d'une main ennemie, c'est mourir pour un roi beaucoup plus d'une fois. Malheureux prince, on te méprise quand tu t'arrêtes à servir. Si tu t'efforces de ravir ta prison, suit ton entreprise. Ton amour qu'on dédaigne et ton vain attentat d'un éternel affront vont souiller ta mémoire. L'un t'a déjà coûté ton repos et ta gloire, l'autre te va coûter ta vie et ton état. Destin qui punit mon audace, tu n'as que de juste rigueur. Et s'il est d'assez tendre cœur pour compatir à ma disgrâce, mon feu de leur tendresse s'étouffe la moitié, puisqu'à bien comparer mes fers avec ma flamme, un vieillard amoureux mérite plus de blâme qu'un monarque en prison n'est digne de pitié. Cruel auteur de ma misère, peste des cœurs, tyran des rois, dont les impérieuses lois n'épargnent pas même ta mère. Amour ! Contre Jason tourne ton trait fatal. Au pouvoir de tes dards, je remets ma vengeance. À terre son orgueil et montre ta puissance à perdre également l'un et l'autre rival. Qu'une implacable jalousie suive son nuptial flambeau, que sans cesse un objet nouveau s'empare de sa fantaisie. Que Corinthe, à sa vue, accepte un autre roi, qu'il puisse voir sa race à ses yeux égorgés, et pour dernier malheur, qu'il ait le sort d'Égée et devienne à mon âge amoureux comme moi. Mais d'où vient ce bruit sourd ? Quelle pâle lumière dissipe ces horreurs et frappe ma paupière ? Mortel, qui que tu sois, détourne ici tes pas et de grâce m'apprends l'arrêt de mon trépas, l'heure, le lieu, le genre. Et si ton cœur sensible à la compassion peut se rendre accessible, donne-moi les moyens d'un généreux effort qui des mains des bourreaux affranchissent ma mort. Je viens l'en affranchir. Ne craignez plus, grand prince. Ne pensez qu'à revoir votre chère province. Ni grille ni verrou ne tiennent contre moi. Cessez, indigne fer, de captiver un roi. Est-ce à vous à presser les bras d'un tel monarque ? Et vous, reconnaissez m'aider à cette marque, et fuyez un tyran dont le forcénement joindrait votre supplice à mon bannissement. Avec la liberté, reprenez le courage. Je les reprends tous deux pour vous en faire hommage, princesse de qui l'art propice aux malheureux oppose un tel miracle à mon sort rigoureux. Disposez de ma vie et du sceptre d'Athènes. Je dois et l'une et l'autre à qui brise mes chaînes. Si votre heureux secours me tire de danger, je ne veux en sortir qu'afin de vous venger. Et si je puis jamais, avec votre assistance, arriver jusqu'au lieu de mon obéissance, vous me verrez, suivi de 1000 bataillons, sur ces murs renversés, planter mes pavillons, punir leur traître roi de vous avoir banni, de dans le sang des siens noyer sa tyrannie. Et remettre en vos mains Écréuse et Jason pour venger votre exil plutôt que ma prison. Je veux une vengeance et plus haute et plus prompte. Ne l'entreprenez pas. Votre offre me fait honte. Emprunter le secours d'aucun pouvoir humain d'un reproche éternel diffamerait ma main. En est-il après tout aucun qui ne me cède ? Qui force la nature a-t-il besoin qu'on l'aide ? Laissez-moi le souci de venger mes ennuis et par ce que j'ai fait, jugez ce que je puis. L'ordre en est tout donné, n'en soyez point en peine. C'est demain que mon art fait triompher ma haine. Demain je suis Médée et je tire raison de mon bannissement et de votre prison. Quoi, madame ? Faut-il que mon peu de puissance empêche les devoirs de ma reconnaissance ? Mon sceptre ne peut-il être employé pour vous, et vous serais-je ingrat autant que votre époux ? Si je vous ai servi, tout ce que j'en souhaite, c'est de trouver chez vous une sûre retraite, où de mes ennemis menaces ni présents ne puissent plus troubler le repos de mes ans. Non pas que je les craigne, eux et toute la terre à leur confusion me livreraient la guerre. Mais je hais ce désordre et n'aime pas à voir qu'il me faille pour vivre user de mon savoir. L'honneur de recevoir une aussi grande hôtesse de mes malheurs passés efface la tristesse. Disposez d'un pays qui vivra sous vos lois, si vous l'aimez assez pour lui donner des rois. Si mes ans ne vous font mépriser ma personne, vous y partagerez mon lit et ma couronne. Sinon, sur mes sujets, faites état d'avoir, ainsi que sur moi-même, un absolu pouvoir. Allons, madame, allons. Et par votre conduite, faites la sûreté que demande ma fuite. Ma vengeance n'aurait qu'un succès imparfait. Je ne me venge pas si je n'en vois les faits. Je dois à mon courroux l'heure d'un si doux spectacle. Allez, prince, et sans moi ne craignez point d'obstacle. Je vous suivrai demain par un chemin nouveau. Pour votre sûreté, conservez cet anneau. Sa secrète vertu, qui vous fait invisible, rendra votre départ de tous côtés paisible. Ici, pour empêcher l'alarme que le bruit de votre délivrance aurait bientôt produit. Un fantôme pareil de taille et de face, tandis que vous fuirez, remplira votre place. Partez sans plus tarder, prince chéri des dieux, et quittez pour jamais ces détestables lieux. J'obéis sans réplique, et je pars sans remise. Puisse d'un prompt succès votre grande entreprise combler nos ennemis d'un mortel désespoir et me donner bientôt le bien de vous revoir. Ah, déplorable prince, à fortune cruelle, que je porte à Jason une triste nouvelle. Arrête, misérable! Et m'apprends quel effet a produit chez le roi le présent que j'ai fait. Dieu! Je suis dans les fers d'une invisible chaîne! Dépêche, ces longueurs attireront ma haine! Apprenez donc l'effet le plus prodigieux que jamais la vengeance ait à faire à nos yeux. Votre robe a fait peur et sur Nise éprouvée. En dépit des soupçons, sans péril s'est trouvée. Et cette épreuve a su si bien les assurer qu'un continent Créuse a voulu s'emparer. Mais cette infortunée, à peine me l'a vêtue, qu'elle sent aussitôt une ardeur qui la tue. Un feu subtil s'allume, et ses brandons épars sur votre don fatal courent de toutes parts. Et Cléone et le roi s'y jettent pour l'éteindre. Mais, ô nouveau sujet de pleurer et de plaindre, ce feu saisit le roi. Ce prince, en un moment, se trouve enveloppé du même embrasement. Courage! Enfin, il faut que l'un et l'autre meurent. La flamme disparaît, mais l'ardeur leur demeure. Et leurs habits charmés, malgré nos vains efforts, sont des brasiers secrets attachés à leur corps. Qui veut les dépouiller, lui-même les déchire. Et ce nouveau secours est un nouveau martyr. Que du monde est loyal, que fait-il là-dedans? Jason, sans rien savoir de tous ces accidents, s'acquitte des devoirs d'une amitié civile à conduire Pollux hors des murs de la ville, qui va se rendre en hâte aux noces de sa sœur, dont bientôt Ménélas doit être possesseur. Et j'allais lui porter ce funeste message. Va, tu peux maintenant achever ton voyage. Est-ce assez ma vengeance? Est-ce assez de deux morts? Consulte avec loisir tes plus ardents transports. Des bras de mon perfide arracher une femme. Est-ce pour assouvir les fureurs de mon âme? Que n'a-t-elle déjà des enfants de Jason sur qui pu pleinement venger sa trahison? Suppléons-y des miens. Immolons avec joie ce qu'à me dire adieu Créuse me renvoie. Nature, je le puis sans violer ta loi. Ils viennent de sa part et ne sont plus à moi. Mais ils sont innocents. Aussi l'était mon frère, ils sont trop criminels d'avoir Jason pour père. Il faut que leur trépas redouble son tourment. Il faut qu'ils souffrent en père aussi bien qu'en amant. Mais quoi? J'ai beau contre eux animer mon audace, la pitié la combat et se mettre en sa place. Puis cédant tout à coup la place à ma fureur, j'adore les projets qui me faisaient horreur. De l'amour aussitôt je passe à la colère, des sentiments de femme aux tendresses de mère. Cessez dorénavant, pensées irrésolues d'épargner des enfants que je ne verrai plus. Cher fruit de mon amour, si je vous ai fait naître, ce n'est pas seulement pour caresser un traître. Il me prive de vous et je l'en vais priver. Mais ma pitié renaît et revient me braver. Je n'exécute rien et mon âme est perdue entre deux passions de mœurs suspendues. N'en délibérons plus, mon bras en résoudra. Je vous perds, mes enfants, mais Jason vous perdra, il ne vous verra plus. Créon sort tout en rage. Allons à son trépas joindre ce triste ouvrage. De me soulager, vous croissez mes tourments, le poison à mon corps unit mes vêtements. Et ma peau, qu'avec eux votre secours m'arrache pour suivre votre main de mes os se détache. Voyez comme mon sang en coule à gros ruisseaux. Ne me déchirez plus, officieux bourreau. Votre pitié pour moi, c'est assez hasardé. Fuyez, ou ma fureur vous prendra pour m'aider. C'est avancer ma mort que de me secourir. Je ne veux que moi-même à m'aider à mourir. À quoi vous continuez, canailles infidèles? Plus je vous le défends, plus vous m'êtes rebelle. Traître! Vous sentirez encore ce que je puis. Je serai votre roi, tout mourant que je suis. Si mes commandements ont trop peu d'efficace, ma rage pour le moins me fera faire place. Il faut aussi payer votre cruel secours. Où fuyez-vous de moi, cher auteur de mes jours? Fuyez-vous l'innocente et malheureuse source d'où prennent tant de maux leur effroyable course? Ce feu qui me consume, et dehors et dedans, vous venge-t-il trop peu de mes vœux imprudents? Je ne puis excuser mon indiscrète envie qui donne le trépas qui je dois la vie, mais soyez satisfait des rigueurs de mon sort et cessez d'ajouter votre haine à ma mort. L'ardeur qui me dévore et que j'ai mérité surpasse en cruauté l'aigle de Prométhée. Et je crois qu'Ixion, au choix des châtiments, préférerait sa roue à mes embrasements. Si ton jeune désir eut beaucoup d'imprudence, fille, j'y devais opposer ma défense. Je n'impute qu'à moi l'excès de mes malheurs. Et j'ai part en ta faute, ainsi qu'en tes douleurs. Si j'ai quelques regrets, ce n'est pas à ma vie que le déclin des ans m'aurait bientôt ravi. La jeunesse, détient si beau, si florissant, me porte au fond du cœur des coups bien plus pressants. Ma fille, c'est donc là ce royal Hyménée dont nous pensions toucher la pompeuse journée. La barque impitoyable en éteint le flambeau. Pour l'inuptial, il te faut un tombeau. Ah, rage, désespoir, destin, feu, poison, char. Tournez tous contre moi, vos plus cruelles armes. S'il faut vous assouvir par la mort de deux rois, faites-en ma faveur que je meure deux fois. Pourvez que mes deux morts emportent cette grâce de laisser ma couronne à mon unique race. Et cet espoir si doux qui m'a toujours flatté de revivre à jamais en sa postérité. Cléon, soutenez, je chancelle, je tombe, mon reste de vigueur sous mes douleurs succombe. Je sens que je n'ai plus à souffrir qu'un moment. Ne me refusez pas ce triste allègement. Seigneur, laissez pour moi quelque amour vous demeure entre vos bras mourants. Permettez que je meure. Mes pleurs arroseront vos mortels déplaisirs. Je malerai leurs os par vos brûlants soupirs. Ah, je brûle, je meurs. Je ne suis plus que flamme. De grâce hâtez-vous de recevoir mon âme. Quoi, vous vous éloignez? Oui, je ne verrai pas comme un lâche témoin ton indigne trépas. Il faut, ma fille, il faut que ma main me délivre de l'infâme regret de t'avoir pu survivre. Invisible ennemi, sors avec mon sang! Ma fille, adieu. J'expire. Ce dernier soupir met fin à mon martyr. Je laisse à ton jason le soin de nous venger. Fin et triste confort, soulagement léger. Mon père! Il ne vit plus. Sa grande âme est partie. Donnez donc à la mienne une même sortie. Apportez-moi ce fer qui, de ses mots vainqueur, est déjà si savant à traverser le cœur. Ah, je sens fers et feux et poisons tout ensemble. Ce que souffrait mon père à mes peines s'assemble. Hélas, que de douceur aurait un prompt traitement. Dépêchez-vous, Cléone, aidez mon faible bras. Ne désespérez point. Les dieux plus pitoyables à nos justes clameurs se rendront exorables et vous conserveront en dépit du poison et pour reine à Corinthe. Et pour femme à Jason, il arrive. Et surpris, il change de visage. Je lis dans sa pâleur une secrète rage. Et son étonnement va passer en fureur. Que vois-je ici, grand Dieu, quel spectacle d'horreur! Où que puissent mes yeux porter ma vue errante, je vois où Créon mort, Créuse mourante. Ne t'en va pas, belle âme, attends encore un peu, et le sang de Médée éteindra tout ce feu. Prends le triste plaisir de voir punir son crime, de te voir immoler cette infâme victime, et que ce scorpion, sur la plaie écrasée, fournisse le remède au mal qu'il a causé. Il n'en faut point chercher au poison qui me tue. Laisse-moi le bonheur d'expirer à ta vue. Souffre que j'en jouisse en ce dernier moment. Mon trépas fera place à ton ressentiment. Le mien cède à l'ardeur dont je suis possédée. J'aime mieux voir Jason que la mort de Médée. Approche, cher amant, et retiens ces transports, mais garde de toucher ce misérable corps, ce brasier que le charme ou répand ou modère, a négligé Cléone et dévoré mon père. Au gré de ma rivale, il est contagieux. Jason se met assez de mourir à tes yeux. Empêche les plaisirs qu'elle attend de ta peine. N'attire point ses feux, esclaves de sa haine. Oh, quel tourment, quel douloureux aboi, et que je sens de mort sans mourir une fois. Quoi, vous m'estimez donc si lâche que de vivre, et de si beaux chemins sont ouverts pour vous suivre. Ma reine, si l'hymen n'a pu joindre nos corps, nous joindrons nos esprits, nous joindrons nos deux morts. Et l'on verra Caron passer chez Radamante dans une même barque, et l'amant et l'amante. Hélas, vous recevez par ce présent charmé le déplorable prix de m'avoir trop aimé. Et puisque cette robe a causé votre perte, je dois être puni de vous l'avoir offerte. Quoi, ce poison m'épargne et ces feux impuissants refusent de finir les douleurs que je sens. Il faut donc que je vive et vous m'être ravi. Juste Dieu, quel forfait me condamne à la vie. Est-il quelque tourment plus grand pour mon amour que de la voir mourir et de souffrir le jour? Non, non, si par ces feux mon attente est trompée, j'ai de quoi m'affranchir au bout de mon épée. Et l'exemple du roi de sa main transpercée qui nage dans les flots du sang qu'il a versé instruit suffisamment un généreux courage des moyens de braver le destin qui l'outrage. Si Créus eut jamais sur toi quelque pouvoir, ne t'abandonne point au coup du désespoir. Vis pour sauver ton nom de cette ignominie. Que Créus soit morte et Médée impunie. Vis pour garder le mien en ton cœur affligé, et du moins ne meurs point que tu ne sois vengé. Adieu, donne la main, que malgré ta jalouse, j'emporte chez Pluton le nom de ton épouse. Ah, douleur, c'en est fait, je meurs à cette fois. Perds en ce moment la vie avec la voix. Si tu m'aimes. Ce mot lui coupe la parole. Et je ne suivrai pas son âme qui s'envole. Mon esprit, retenu par ses commandements, réserve encore ma vie à de pires tourments. Pardonne, chère épouse, à mon obéissance, mon déplaisir mortel défaire à ta puissance, et de mes jours maudits, tout près de triompher, de peur de te déplaire, il n'ose m'étouffer. Ne perdons point de temps, courons chez la sorcière, délivrée par sa mort, mon âme prisonnière. Vous autres, cependant, enlevez ces deux corps. Contre tous ces démons, mes bras sont assez forts. Et la part que votre aide aurait à ma vengeance ne m'en permettrait pas une entière allégeance. Préparez seulement des gênes, des bourreaux. Devenez inventifs en supplice nouveau qui la fasse mourir tant de fois sur leur tombe que son coupable sang leur vaille une hécatombe. Et si cette victime, en mourant mille fois, n'apaise point encore les mânes de deux rois, je serai la seconde, et mon esprit fidèle ira gêner là-bas son âme criminelle, ira faire assembler pour sa punition les peines de Titi et celles d'Ixion. Mais leur puis-je imputer ma mort en sacrifice? Elle m'est un plaisir et non pas un supplice. Mourir, c'est seulement auprès d'eux me ranger, c'est rejoindre Créuse et non pas la venger. Instrument des fureurs d'une mère insensée, indigne rejeton de mon amour passé. Quel malheureux destin vous avez réservé à porter le trépas à qui vous a sauvé. C'est vous, petits ingrats, que malgré la nature, il me faut immoler dessus leur sépulture. Que la sorcière en vous commence de souffrir. Que son premier tourment soit de vous voir mourir. Toutefois, qu'ont-ils fait qu'obéir à leur mère? Lâche ton désespoir encore en délibère. Lève les yeux perfides et reconnais ce bras qui t'a déjà vengé de ces petits ingrats. Ce poignard que tu vois vient de chasser leurs âmes et noyer dans leur sang les restes de nos flammes. Heureux père et mari, ma fuite et leur tombeau laissent la place vide à ton hymen nouveau. Réjouis-t'en, Jason, va posséder Créuse. Tu n'auras plus ici personne qui t'accuse. Ces gages de nos feux ne feront plus pour moi de reproches secrets à ton manque de foi. Horreur de la nature, exécrable tigresse. Va, bienheureux amant, cajoler ta maîtresse. À cet objet si cher, tu dois tous tes discours. Parler encore à moi, c'est trahir tes amours. Va lui compter tes rares aventures et contre mes effets. Ne combat point d'injures. Tu m'oses braver ta brutalité, pense encore échapper à mon bras irrité. Je redouble ta peine avec cette insolence. Et que peut contre moi ta débile vaillance? Mon art faisait ta force et tes exploits guerriers tiennent de mon secours ce qu'ils ont de laurier. C'est trop souffrir, il faut qu'un prompt supplice de tant de cruauté à la fin te punisse. Sus, brisons la porte, enfonçons la maison, que du bourreau soudain m'en fasse la raison. Ta tête répondra de tant de barbarie. M'aider dans un char tiré par deux dragons. Que sert de t'emporter à ces vaines furies? Épargne, cher époux, des efforts que tu perds, bois les chemins de l'air qui me sont tous ouverts. C'est par là que je fuis et que je t'abandonne, pour courir à l'exil que ton change m'ordonne. Suis-moi, Jason, et trouve en ces lieux désolés des postillons pareils à mes dragons ailés. Enfin, je n'ai pas mal employé la journée que la bonté du roi de grâce m'a donnée. Mes désirs sont contents. Mon père et mon pays, je ne me repens plus de vous avoir trahi. Avec cette douceur, j'en accepte le blâme. Adieu, parjure! Apprends à connaître ta femme! Souviens-toi de sa fuite et songe une autre fois. Lequel est plus à craindre, ou d'elle, ou de deux rois? Ô Dieu, ce char volant disparu dans la nuit la dérobe à sa peine aussi bien qu'à ma vue. Et son impunité triomphe arrogamment des projets avortés de mon ressentiment. Créuse, enfant, m'aider, amour, haine, vengeance. Où dois-je désormais chercher quelque allégeance? Où suivre l'inhumaine et de sous quel climat porter les châtiments de tant d'assassinats? Va, furie exécrable, en quelque coin de terre que t'emporte ton char, j'y porterai la guerre! J'apprendrai ton séjour de tes sanglants effets, et te suivrai partout au bruit de tes forfaits. Mais que me servira cette vaine poursuite, si l'air est un chemin toujours libre à ta fuite, si toujours tes dragons sont prêts à t'enlever, si toujours tes forfaits ont de quoi me braver. Malheureux ne perds point contre une telle audace de ta juste fureur l'impuissante menace. Ne cours point à ta honte et fuis l'occasion d'accroître sa victoire et ta confusion. Misérable perfide, ainsi donc ta faiblesse épargne la sorcière et trahit ta princesse. Est-ce là le pouvoir qu'ont sur toi ses désirs et ton obéissance à ses derniers soupirs? Venge-toi, pauvre amant, Créuse le commande, ne lui refuse point un sang qu'elle demande, écoute les accents de sa mourante voix et vole sans rien craindre à ce que tu lui dois. À qui s'est bien aimé, il n'est rien impossible. Eusses-tu pour retraite un roc inaccessible, tigresse, tu mourras! Et malgré ton savoir, mon amour te verra soumise à son pouvoir. Mes yeux se répéteront des horreurs de ta peine. Ainsi le veut Créuse, ainsi le veut ma haine. Mais quoi, je vous écoute, impuissante chaleur. Allez, n'ajoutez plus de comble à mes malheurs. Entreprendre une mort que le ciel sait garder, c'est préparer encore un triomphe à m'aider. Tourne avec plus d'effet sur toi-même ton bras, et punis-toi, Jason, de ne la punir pas. Vain transport où sans fruit mon désespoir s'amuse. Cessez de m'empêcher de rejoindre Créuse. Ma reine, ta belle âme, en partant de ces lieux, m'a laissé la vengeance, je la laisse aux dieux. Eux seuls, dont le pouvoir égale la justice, peuvent de la sorcière achever le supplice. Trouve le bon, chère ombre, et pardonne à mes feux. Si je vais te revoir plus tôt que tu ne veux. C'était Médée de Pierre Corneille avec Charlotte Pascal Pose, Olivier Pie, Bernard-Pierre Donadieu, Elsa Molien, Loïc Oudray, Bernard Ballet, Émilie Anne-Certi-Formantini, Anne Plumet, Joachim Salinger, Agnès Arnaud, François Chex, Selim Saber, Richard Grolot, Ange Amiel, Étienne Parc, Hugo Mayer. Bruitage, Alain Platiot. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Manuel Couturier. Assistante, Delphine Lemaire. Réalisation, Myron Merson. C'est la mère de tes enfants que tu vois. Et au désespoir. Écrasée par ta faute. Et pourtant proscrite par toi. Tu sais combien je t'ai aimée cruelle. je te fus chère jadis, cruelle. Seule, ici, sans amour, chassée, affligée. C'était un extrait du Médée de Cherubini, interprété par Maria Callas, enregistré à la Scala de Milan sous la direction de Tullio Serafin. À dimanche.